Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige aux doigts du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite. Ben c'est bien sûr pour ce cœur à qui je souhaite le temps de vivre ses espoirs. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Wilfred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, mon ami. Au plaisir de te croiser à la fin juin, début juillet, dans le 18e à Paris, où je serai avec mon micro. Alors, pourquoi pas se recroiser? On a tellement de choses à se dire. Joyeux anniversaire! Profites-en. Et puis, aie du plaisir, mais garde-en pour les autres. Bye-bye. Salut.